s'en va dans la colère, comme dans un pays loin de moi. Et quand elle fait toute une affaire d'une faiblesse qui me passera, quand elle s'en va dans la douleur, avec ses cheveux dans les yeux, pour un rien qui prend de l'ampleur, qui prend de l'ampleur pour si peu. Mon amour, oublie quelque chose. Quand elle s'en va dans la tristesse, qu'elle se réfugie en enfance, comme au sein d'une chambre secrète dont elle seule détiendrait la clé. Quand elle s'installe dans le chagrin, quand l'orage gronde dans ses yeux, qu'elle est prête à tout pour un rien, pour un rien tout remettre en jeu. Quand je sens dans ses yeux comme un départ de feu, mon amour, oublie que je l'aime. Quand elle fait rempart de ses pleurs, quand elle me défend d'approcher, quand j'attends que revienne le goût de sa main caressant ma joue, avant qu'elle n'accepte le gage de revenir à la raison, que je dissipe les nuages d'un baiser posé sur son front. Quand je sens dans ses yeux comme un départ, mon amour, oublie que je l'aime. Dans un pays loin de moi, et quand elle fait toute une affaire d'une faiblesse qui me passera. Je l'aime.